Je m'installe sur champ de bataille, aura pas tir de sommation. Que les salopes commerciales restent dans leur vieux trip de soumission, de soumission. Sur le CD, les caméras sont floutées, je vais encore brouiller vos radios. Vous douillez et envoyez le boulet. J'enflamme ma feuille et le micro, c'est un bâton de dynamite. Je torpille la concurrence et ils font un remake du Titanic. Petit à petit, on monte pendant que les autres tapis. J'affine mon style d'écriture, il faut que mon rap confirme. Stylo aka lance-flamme, alors appelle les pompiers. Vu que je suis gaucher, je me lève pas souvent du pompier. T'es invité à kiffer, car notre son est de sortie. Et mec, les jet-setters s'arrêtent au portique. Ces mecs veulent pas de nous, abusent de leur pouvoir. Et sache que dans tous les cas, tu signeras pas si t'es pas fils de star. Mais micro-tempête ou de produit, alors je m'en bats la race. Je suis là pour casser la baraque, je suis pas un produit de la Starac. Je prends mes pensées, j'en fais de la versification. Je prépare mon flow au micro et c'est l'installation. Faites attention, je répète que ça c'est du bon. Augmenter le son, on s'installe sans la prise. Je prends mes colères, j'en fais de la versification. Je prépare mon flow sans barrière et c'est l'installation. On est deux gones, scotchés au microphone. Personne nous impressionne et les MC on les torsionne. Je ne viens pas faire genre pour être moderne, mélancolique à mort. Ce que j'ai à dire, moi je le dis, même si ça peut me porter tort. Je ne viens pas faire de la variété, ni poser texte traduit ou copié. C'est avec mes mots, mon style que je m'exprime sur papier. Pardonnez-moi mon engagement, peut vous sembler choquant. Pourquoi choquant? Car choqué par les mœurs de ce temps. Je viens donc vous parler de moi, de vous et de ce monde. Pas pour accrocher des bombes, plutôt pour rapper sur les ondes. À 15 ans le groupe s'est formé, avec des envies de tout casser, de tout clasher, de tout déclasser, pour pouvoir passer. Et maintenant c'est sérieux mec, je viens pas que faire nerveux. Je viens pour faire du bon son, toujours du bon rap de rageux. Pas menteur ni calculateur, sur moi rien n'est inventé ni amélioré. Juste rappeur authentique, mes lyriques ne sont que la réalité. Le flow lui m'est venu tout seul, c'est pas une imitation. Il est Madignon ça, c'est notre installation. Je prends mes pensées, j'en fais de la versification. Je prépare mon flow au micro et c'est l'installation. Faites attention, je répète que ça c'est du bon. Augmenter le son, on s'installe sans la pression. Je prends mes colères, j'en fais de la versification. Je prépare mon flow sans barrière et c'est l'installation. On est deux gones, scotchés au microphone. Personne nous impressionne et les MC on les torsionne. 2009, 2010, 6900 ou 210 au micro. C'est micro tempête. Wow, micro tempête, mais c'est quoi ça? Le rap c'est notre passion et ça c'est notre installation.